qui est le crédit d'assurance. Et le papier que je vous ai envoyé, en fait, c'est l'article, un article qui sera publié au prochain numéro de Société Contemporaine, dont le thème, en fait, est « Vivre et faire vivre à crédit » avec des contributions sociologiques autour du crédit de l'endettement. Alors, cet article... Vous m'avez déjà entendu, c'est une incise, une personne avec un futur article. C'était celui de Laure Lacan, donc qu'on peut retrouver sur le site, du coup, ouais, qui n'était pas fini et que... On aura contribué comme lui avait, voilà, d'accueil de ce numéro. On lui avait proposé de changer le plan et tout ça, ouais. Donc là, on va éviter. Il est fait, c'est ça, il est OK. On dit rien. Excuse-moi alors. Ah non, mais je pense qu'il est largement perfectible. Alors, il présente la généalogie d'une offre de crédit revolving, qui est la formule libre à vous de l'établissement Cofidis. Et au-delà, en fait, de cette présentation de cette offre spécifique et de son histoire, j'entends dire quelque chose de la construction sociale du marché français du crédit à la consommation. Et avant d'entamer le sujet, j'aimerais faire un voire deux préalables en fonction de vous. D'abord, est-ce que tout le monde sait ce qu'est un crédit revolving? Parce que si c'est non, j'explique en deux mots. Si c'est oui, on va mieux. Est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est qu'un crédit revolving? Moi. Ok, alors voilà. Alors en France, il y a beaucoup d'expressions pour désigner ce crédit revolving. J'ai gardé l'expression avec ce mot d'origine anglo-saxonne parce que c'est celui qui est le plus... ça se discute, mais peut-être celui qui est le plus usuel. Alors on l'appelle aussi crédit renouvelable, compte permanent, crédit permanent, réserve d'argent, prêt personnel permanent ou encore crédit reconstituable. Le crédit revolving, c'est une mise à disposition d'une somme d'argent que l'utilisateur emploie au gré de ses besoins et il ne paie des intérêts que sur ce qu'il a utilisé. L'argent ainsi dépensé, à chaque fois qu'il est remboursé, il est réutilisable. Et le consommateur, enfin la personne endettée, peut à chaque instant rembourser en partie ou en totalité l'intégralité de sa dette. C'est un crédit plus souple, en gros. Très pratiquement, en France, peut-être dans d'autres pays, on le trouve, il se matérialise sous la forme des petites cartes qu'on a dans les grands magasins qui permettent d'accéder à des facilités de paiement. Alors, pour simplifier, on peut dire que la mensualité du crédit revolving, c'est cette facilité de paiement dans les grands magasins. C'est pas exactement vrai, mais c'est pas loin de la vérité. Mais c'est pas seulement dans les grands magasins qu'on le trouve. Et par exemple, vous lisez ou pas le programme télé, et il y a beaucoup de publicités qui concernent le crédit revolving. Et c'est un cas très fréquent, en fait, de souscription de crédit, c'est J'appelle, l'organisme qui fait une publicité dans le magazine télé. Autre cas, votre banque généraliste ou son domicile et vos comptes vous propose, comme n'importe quelle offre commerciale, ce crédit. Alors, pour finir avec cette courte présentation, on peut le comparer au crédit le plus courant, le crédit à la consommation le plus courant, pour essayer de comprendre, en fait, quel rôle il joue. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on compare aux frais personnels, les montants empruntés sont beaucoup plus petits, la mensualité est vraiment beaucoup plus petite, et surtout, par rapport en général aux autres crédits à la consommation, l'usager ne doit pas justifier de ce qu'il va faire de l'argent. Donc c'est un mode d'accès à l'argent très impersonnel et qui requiert peu de justification. Alors, cette première petite présentation étant faite, je vous propose... Par rapport au découvert, en fait, un découvert, justement parce que vous me demandez, je ne me souviens plus exactement, il doit être remboursé sous 2 mois, je crois, ou 3 mois. Théoriquement. Pas forcément. Ouais, mais tandis que le crédit revolving, il est perpétuel. Mais aussi, le découvert, on est en infraction. Le découvert, on est en infraction. Non, pas du tout. Parce que vous pouvez accorder à un découvert autorisé. En fait, vous pouvez très bien accorder un découvert. Et regarde là, le découvert est autorisé. Donc ça s'appelle. Mais effectivement, vous avez raison, c'est que c'est une courbe. C'est pas ça, je pense que d'un point de vue sociologique, puisqu'on est dans la construction sociale, être à découvert, on est, même si c'est autorisé par la banque, on est en faute. C'est pour ça que c'est pas... C'est, non, mais donc, là, on est dans ces formes de enfin, je pense, hein, de construction sociale du rapport au crédit, alors que là, ce n'est pas pareil. C'est, on vous donne de l'argent, vous pouvez le faire, ce que vous pouvez... Et on vous dit, mais qu'attendez-vous? Enfin, vous avez 2000 euros qui vous attendent, qu'attendez-vous? Et on nous relance en nous disant, et vous avez cette réserve, pourquoi vous ne l'utilisez pas? Voilà, c'est pas du tout. Non, pas de problème. Ceci étant posé, je vous propose de vous expliquer très rapidement en fait, la place que tient cet article dans l'économie générale de ma thèse. J'ai l'habitude de résumer l'objet de ma thèse, même si c'est imparfait, en disant que je m'intéresse au processus d'autonomisation de l'activité économique de crédit à la consommation. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je m'intéresse au processus au terme duquel le crédit à la consommation devient une activité économique en elle-même, qui génèrent ses propres bénéfices, avec des entreprises qui sont spécifiquement dédiées, qui luttent pour la conquête de parts de marché. Et donc, activité qui s'autonomise de l'activité de vente, c'est-à-dire que qui avant, enfin, l'activité de vente qui génère elle aussi ses propres profits. Mais le crédit doit générer, enfin, en vient à générer ses propres profits, et en vient à être organisé en marché. Et plus spécifiquement encore, je m'intéresse à la période 1950-2000, et plus spécifiquement encore aux ESC, enfin aux établissements de crédit qui ne sont pas des banques généralistes. Et encore dernière spécificité, je ne m'intéresse pas à celles qui sont spécifiquement dédiées à l'automobile. Parce qu'il y aurait là tout un truc spécifique à faire à ce sujet. Alors, sous ce chapeau très général et déjà bien spécifique, j'apporte, ou je tente en tout cas d'apporter quelques contributions. D'abord, une analyse de la forme prise par l'activité économique de crédit à la consommation et son évolution. Et ça, je le fais à travers l'étude de deux établissements, CTLM puis Cofidis, qui me semblent à la fois tout à fait emblématiques et... emblématique et à la fois les vecteurs des évolutions du crédit. Avec CTLM pour la première période 50, on va dire, on va pousser jusqu'à 70-80, et Cofidis, qui est quelque chose, un succès économique très spécifique des années 90 en matière de crédit. Alors, c'est bien sûr, ce ne sont que des contributions que j'apporte, hein, je ne présente pas avoir fait toute la construction sociale du marché. J'ai aussi complété ça par en fait, une analyse des interactions marchandes qui mènent à la vente de ces crédits revolving, telles qu'elles se présentent maintenant. Sur ce marché autonomisé. Et j'ai également fait une analyse statistique à partir de l'enquête patrimoine de l'INSEE, dans laquelle j'identifie des logiques sociales de consommation, de crédit à la consommation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rapporter le crédit à la consommation à ce qu'il est supposé financer, mais d'essayer de voir, par exemple, à motif équivalent, comment s'y prennent les ménages et les différents niveaux socio-économiques. Et j'essaie d'identifier aussi le prix de l'endettement. Et il y a des choses qui on voit que les classes populaires payent plus cher leur endettement systématiquement, bien que les offres présentent un prix unique, puisque ce sont des produits standardisés, des crédits de la consommation. Alors j'ai fait un travail sur archives, modestement, en tant que sociologue chez CTLM, une quarantaine d'entretiens avec des cadres supérieurs ou des membres actuels et passés des établissements de crédit à la consommation, des membres dirigeants, et des autres acteurs de la régulation du marché. J'ai fait 2 mois d'observation in situ dans des établissements de crédit, et puis cette exploitation de l'enquête patrimoine. Alors, 98, parce qu'en fait, l'enquête de 98, c'est la plus complète pour l'endettement des ménages parmi les enquêtes patrimoine et les autres enquêtes de l'INSEE. Bon, alors, vous l'aurez compris, cette communication, en fait, elle s'inscrit bien sûr dans le premier axe de ma thèse, axe relatif à la forme prise par l'activité de marché de crédit à la consommation. Et pour le dire vite, j'essaie d'éclairer quelque chose qui m'est apparu paradoxal. Comment ce crédit revolving qui est introduit en 1965 dans les galeries Lafayette par CTLM, enfin dans une alliance CTLM-Galeries Lafayette, qui est un crédit très spécifique, qui est supposé faciliter la vente à crédit dans quelques grands magasins. Comment est-ce que ce crédit, pour lequel en fait les établissements qu'ils développaient n'envisageaient pas en fait qu'il deviendrait un crédit important, et d'ailleurs n'avaient pas trop de projets pour le développement de ce crédit. Comment il est devenu ce crédit? Alors, revolver, pour reprendre les mots d'Elisabeth Guigou en 2001, je pense, qui reprenait elle-même l'expression en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire ce crédit qui est fustigé par ses, pour ses taux d'intérêt, pour son rôle dans le surendettement et pour le fait de capter essentiellement des ménages populaires alors même qu'il est très onéreux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette question est très large et ma contribution, elle consiste à mettre en évidence la façon dont se construit l'offre, sur ce marché. C'est une façon de faire de la sociologie économique. Alors je vous propose aujourd'hui de m'arrêter sur un ou deux points de l'article et pas de refaire rapidement tout. On est censé tous l'avoir vu et les sur le site. Alors, je montrerai pourquoi est-ce qu'en fait rien ne prédisposait le crédit revolving à devenir ce crédit. Et si on a encore le temps, j'essaierai d'expliquer la stratégie d'un acteur qui me paraît incontournable pour comprendre en fait l'évolution des usages du crédit revolving et sa popularité, qui est Cofidis. Alors quand je dis que c'est un acteur incontournable, ce n'est pas parce que c'est l'acteur le plus important du marché par exemple, c'est parce qu'il est identifié par les acteurs même, les cadres dirigeants et membres et cadres sup des établissements de crédit, comme l'acteur qui a vraiment changé la donne sur le marché. Alors commençons par ce premier point relatif à... J'ai dit rien de prédisposé le crédit revolving à devenir ce crédit. Alors dans ma thèse, je commence aux années 50 et je montre comment à partir des années 50 l'activité de crédit à la consommation qui est développée par les établissements de crédit prend la forme d'un financement des ventes à crédit. Donc, j'explique ce que ça veut dire, enfin et d'où ça vient. En fait, cette forme de l'activité, elle résulte à la fois de l'action de la puissance publique qui commence à encadrer ce marché, et aussi de la construction des intérêts économiques des premiers partenaires, des premiers établissements de crédit. Cette forme, on peut l'identifier par le fait que les contrats de crédit sont solidaires des biens financés, des achats des biens achetés en magasin, et que les commerçants occupent une place centrale dans, par exemple, ce que Cochois appelle le dispositif de captation de la clientèle. Ce sont en effet les commerçants qui vendent les crédits et aussi qui sont responsables du défaut de paiement en partie de leurs propres clients. Et dans la thèse, je montre en fait que les clients, comment les clients sont devenus un peu malgré eux les partenaires vraiment incontournables du crédit à la consommation. Et comment en fait le crédit en cette première période allait finalement autant au service des commerçants que des clients finaux. Il faut satisfaire les commerçants pour avoir le droit de satisfaire les clients finaux. Alors c'est dans ce contexte donc d'un financement des ventes à crédit, derrière l'association professionnelle qui regroupe les établissements de crédit, en fait la sous-section qui concerne ces établissements s'appelle les établissements de financement des ventes à crédit. C'est dans ce contexte en fait qu'il a introduit en France le crédit revolving en 1965. Comment se passe cette introduction? En 1965, je vous l'ai dit, le crédit revolving est introduit par le service financier des Galeries Lafayette en partenariat avec CPM. Il s'agit en fait pour les Galeries Lafayette de transformer leur carte de fidélité en une carte qui aurait aussi une fonction de paiement à crédit. Et très pratiquement, en fait, cette carte, c'est quoi? C'est une carte qui autorise l'achat à crédit à l'intérieur du magasin. Quel est l'avantage? Pour le client, en fait, il n'a pas à faire un dossier de crédit à chaque fois qu'il souhaite acheter à crédit. Et pour le commerçant, quel est l'avantage? C'est que ce crédit permet d'abaisser le coût moyen des biens que l'on peut acheter à crédit. Puisqu'il n'y a pas de frais de dossier qui paraissent exorbitants pour un objet qui serait lui-même par un montant excessivement... qui ne serait pas excessivement onéreux. Alors pourquoi je dis que cette offre de crédit, elle s'inscrit dans cette conception de financement des ventes à crédit, où le commerçant est incontournable? Mais parce que, encore une fois, c'est un crédit sur lieu de vente qui a pour objectif de faire des opérations de crédit tout en satisfaisant les commerçants. On note toutefois une évolution, c'est qu'en fait, ce dispositif en fait, ne lie pas juridiquement le bien acheté à crédit et l'opération de crédit elle-même. Donc on note une évolution, mais on reste encore dans cette conception de l'activité de « il s'agit de financer les ventes à crédit ». Bon, toutefois, si les commerçants sont trop satisfaits, enfin les quelques grands commerçants qui recourent à ce dispositif, c'est par exemple le BHV, au début des années 70, c'est 3 Suisses, c'est Inno, je crois. Enfin, quelques accords comme ça sont conclus entre CTLM et ces grands commerçants. Donc si eux sont trop satisfaits, en fait, l'établissement CTLM, lui, en fait, se rend compte que tout ça, c'est pas très profitable. Les montants sont peu élevés, et puis finalement, les coûts sont assez importants par rapport à ce que cela génère comme AGU. Et en plus, le resserrement de l'encadrement du crédit en 1969 vient encore contraindre le développement de ce crédit en le rendant encore moins intéressant pour les établissements de crédit. Alors, face à cet encadrement plus contraignant, et aussi pour d'autres raisons que j'explique dans le papier et sur lesquelles je ne reviens pas, en fait, les établissements les mieux établis tentent de faire évoluer la forme de l'activité de crédit à la consommation. Et ça, il ne s'agit plus seulement de financer les ventes à crédit, mais petit à petit, d'accompagner les emprunteurs tout au long de leur carrière d'emprunteur. En fait, il s'agit... Concrètement, CTLM se dit, ce que je vais faire, c'est que je vais capter un client dans un magasin, l'achat de la télévision, la machine à laver ou le frigo typiquement, et puis après je vais lui proposer d'autres opérations. Il n'y aura plus de commerçant, je vais lui proposer des opérations de montant plus important, si possible des prêts personnels, parce que les prêts personnels émergent à cette époque. Je vais tenter de multiplier les opérations sur un même individu dont je sais qu'il rembourse bien, etc., plutôt que de m'épuiser avec ces commerçants. Alors, on observe des changements chez CTLM sur lesquels je ne reviens pas, mais ce qu'on doit se demander alors, c'est quelle place pour ce crédit revolving dans ce nouveau contexte? Alors, quelle place? Eh bien, le crédit revolving n'est pas un produit stratégique, parce que c'est un produit qui est lié aux commerçants. Il s'agit encore de la vente en magasin. Donc, j'ai fait des entretiens chez CTLM avec les anciens cadres dirigeants et cette époque, ça a été vraiment, des conflits internes chez CTLM pour imposer la représentation légitime de l'activité à venir de crédit à la consommation. Alors, début des années 70, donc CTLM se dit même, en fait, j'en veux plus de cette activité. Par exemple, l'activité avec 3 Suisses, bon, ça génère beaucoup d'activités, c'est pas très rentable, l'encadrement du crédit me contraint, qu'est-ce que je peux faire? Et CTLM se lance dans la filialisation de ses accords commerciaux. Il impose à 3 Suisses de créer une filiale, et il fera la même chose avec d'autres établissements, donc une filiale commune, et là, dans laquelle, en fait, CTLM n'aura que 15%, parce que c'est pas une activité très rentable. Et il s'agit pour cet élève en fait, de se débarrasser de cette activité de crédit revolving tout en restant quand même partie liée à cette dernière. Donc on arrive à l'établissement Cofidis qui est créé en 1982. Alors c'est assez rigolo, dans les mémoires du PDG, le PDG raconte qu'en fait 3 Suisses avait même oublié de créer des locaux à la création et ce genre de choses parce qu'ils n'étaient pas du tout intéressés par reprendre cette activité. Qui aujourd'hui est, enfin, pas depuis un an, mais qui était 90% du chiffre du bénéfice de 3 Suisses International aujourd'hui. Mais à l'époque, aucun intérêt, personne ne voit aucun intérêt de ce qu'il fait, et donc c'est quand même assez significatif. Donc l'établissement est créé, et quelques années plus tard, donc le but c'était toujours de faire du crédit revolving pour que les ménages populaires puissent acheter, payer en plusieurs fois leurs commandes. C'était le crédit le plus adapté pour ce type de montant. Quelques années plus tard, en 86, je crois, 85, le PDG se dit, je personnalise, mais qu'il ne faudrait pas, mais tente de finalement de copier les pratiques de CTLM qui consistaient à vouloir fidéliser les clients, à vouloir les accompagner, Mais en fait, il va leur proposer, donc aux anciens clients, trois Suisses qui ont un crédit revolving, un nouveau crédit revolving qui cette fois ne serait pas exclusif pour le catalogue. Donc via le truchement de leur compte bancaire, ces derniers pourraient virer les sommes vers leur compte bancaire et l'utiliser à leur gré. Et là, surprise, c'est ce qu'il me dit en tout cas dans l'entretien, c'est qu'ils font un test sur deux régions françaises et ils ont 25% des clients qui souscrivent ce crédit revolving. Donc c'est le succès complètement inattendu sur lequel en fait le président vient s'étendre aujourd'hui. Juste une chose, la différence avec l'autre, c'est qu'il n'est pas lié à un magasin et là tu vois, avant, sur le compte, il y a une vente, il y a un magasin. Ouais. Le premier, c'était payer sa commande. Avec ta carte, voilà. Avec ta carte du magasin. Ouais. On voit que vous n'avez pas beaucoup de crédit. Ta carte de Finoga, tu vas en réacheter, tu t'achètes ta machine à laver. Pas ce genre de crédit pourri, voilà. Mais non, mais maintenant, tu as ta réserve, tu fais ce que tu veux avec, tu ne vas pas que au BHV. Mais c'est le tout premier à faire. C'est pas le tout premier à faire, alors. Juste, alors je sais, alors c'est tout. Enfin, je veux dire. Parce que le coffee, ça appartient au Crédit Agricole. Donc, des horreurs trop horribles. Parce que CTLM, au même moment, développe aussi le crédit en poche. Sauf qu'en fait, CTLM, on fera pas une position sur le marché. C'est un peu. Bon, c'est. C'est-à-dire que je déroule un exemple, mais cet exemple, je le prends comme significatif et aussi vecteur des transformations. Mmh. Et je ne dis pas c'est le premier. Que c'est le premier. Voilà. Donc ça existait, ça ne me paraissait pas du tout un produit stratégique. Mmh. Et à mon avis aussi, parce que la clientèle CTLM, ce n'est pas la clientèle qu'on retrouvera chez Trois Suisses. Et donc en fait, les usages, mais j'en parlerai à la fin, les usages que les clients CTLM ont fait, à mon avis, de leur revolving, en fait, ça paraissait pas ouvrir un boulevard pour cet élève à cette époque-là, en fait. Mais donc, ce qui est différent, et je l'explique juste après, c'est que ça devient, en fait, Cofidis devient le VPCiste, en référence à VPC vente par correspondance, le VPCiste du crédit revolving. Et il fait de ce crédit revolving souscrit à distance sa position sur le marché, une nouvelle position sur le marché. Mais j'ai sauté une étape. C'est qu'entre les 25% sur un test des anciens clients, bon, et puis ce VP6, en fait, il y a une étape que j'aurais dû vous dire pour être clair, c'est que l'année suivante, Cofidis parvient à convaincre Trois Suisses qu'il ne faut pas du tout réserver ce nouveau revolving aux clients, qu'il faut le proposer aux parfaits inconnus. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué, parce que ce n'est pas du tout le modèle des établissements de crédit français qui étaient en train de grossir, en fait. Alors, certes, c'était une activité, un crédit désencastré, mais tout de même, en fait, on comptait bien fidéliser les clients, donc il y a quand même une certaine continuité dans la relation. Donc, Cofidis propose ce produit, et alors là, tous les autres établissements mieux établis leur prédisent un destin funeste, et pensant qu'en fait ils allaient attirer tous les mauvais payeurs qui. Ça ne s'est pas réalisé. Exactement. Alors souvent quand je présente, c'est la question qu'on me pose, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas attiré tous les mauvais payeurs ? Moi, en sociologue, je suis un peu démunie pour répondre à cette question parce que je ne peux que constater que leur système de scoring était suffisamment efficace. Je peux lancer des pistes sur le fait qu'en fait, ils étaient déjà habitués à travailler avec une clientèle populaire de par l'origine de Trois Suisses, et que du coup, ils étaient mieux armés peut-être que les autres pour pouvoir affronter de parfaits inconnus qui finalement avaient au pire les caractéristiques de la clientèle des Trois Suisses. Bon, alors c'est pas suffisant, mais je vois pas, enfin je fais les questions-réponses, mais je vois pas quoi dire d'autre en sociologue. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que rien ne prédisposait dans les années 70 le crédit revolving à devenir ce succès qu'on voit émerger au début des années 90. On a des établissements qui sont les mieux établis, qui le développent certes, mais qui en fait ne veulent pas particulièrement développer, ne voient pas des potentialités de développement énormes, parce que pour eux, c'est du crédit de commerçant. Et ensuite, on voit que finalement, un établissement qui est amené, comme Cofidis, à développer cette position sur le marché, je veux dire, il n'y a pas eu de volonté ou de clairvoyance initiale de ces dirigeants, c'est parce que c'est une entreprise qui a été acculée à développer ce type de crédit en propre. C'était pas, c'était pas une stratégie clairement établie. Alors, je suis là. Bon, j'ai déjà dit beaucoup de choses, mais quand même, comment on pourrait analyser ce succès qui vient avec Cofidis? Bon, alors, on peut dire que, en fait, le fait d'avoir une maison mère qui était elle-même, le cœur de l'activité de la maison mère, c'était déjà de contourner les commerçants. C'était déjà sûrement un avantage comparatif indéniable pour un petit établissement qui émerge. Parce que, rappelez-vous ce que je disais, les établissements de crédit essaient eux-mêmes d'échapper, de contourner les commerçants pour construire une relation de crédit. Premier avantage peut-être. Deuxième avantage, bien sûr, on peut penser aux fichiers, aux énormes fichiers clients de 3 Suisses. Parce que quand je dis que Cofidis, le succès, c'est le crédit grâce à la publicité dans les magazines télé, et depuis, je parle de l'exemple du Tour de France qui a été à la fin des années 90, un moyen de communication exceptionnel pour Cofidis. C'est bon, voilà. Mais quand même, il y a la clientèle 3 Suisses à la base qui, je ne sais pas combien ça représente aujourd'hui, je crois que je ne le sais pas, mais c'est quand même quelque chose qui les a aidés indéniablement. Ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi avoir fait ce qu'on appelle du cross-selling. Cross-selling, c'est quand on essaie de revendre un produit à quelqu'un qui a déjà un produit chez vous. Pourquoi ce cross-selling sur du crédit revolving? Parce que c'est ça quand même l'originalité de Cofidis. CTLM, par exemple, voulait faire des prêts personnels, il fallait augmenter le montant. C'est comme ça qu'on allait produire des AGO, c'est en augmentant le montant des crédits qu'on allait faire souscrire aux gens. Alors, je ne développe pas tout, mais en fait, dans les années 80 et 90, le ticket d'entrée sur les autres marchés de crédit à la consommation était beaucoup trop élevé pour un jeune établissement comme Cofidis. Et Salomon raconte dans sa thèse que le prêt personnel, c'est du volume. Vous voulez avoir des taux plus bas, il va falloir en vendre davantage. Et cette logique-là, du coup, pour un petit nouveau, il n'est pas question. D'autre part, en fait, si les autres établissements procédaient par les commerçants puis par cross-selling, un petit nouveau qui arrive ne va pas obtenir des partenariats avec les autres commerçants pour pouvoir développer ce modèle. Il ne peut pas, ça ne lui est pas ouvert. Et c'est intéressant de comparer le cas de Finaref, qui semble être comparable à celui de Cofidis, puisque tous deux sont issus de la VPC. Finaref, c'est la Redoute en gros, et Cofidis, c'est les 3 Suisses. Et Finaref n'a pas exactement ce même destin qu'à Cofidis. Et pourquoi? Parce que la Redoute s'est intégrée dans le groupe PPR Pinot Printemps à la Redoute, et en fait, ils ont eu accès à des magasins. Et aussi à des magasins qui n'ont pas forcément une clientèle aussi populaire, comme Fnac Printemps. Et du coup, en fait, ils n'ont pas été amenés à jouer ce rôle historique de popularisation du crédit revolving, même si aujourd'hui, leur activité est extrêmement semblable à celle de Cofidis. Mais historiquement, en fait, ils ont emprunté en fait, le chemin un peu orthodoxe de développement qui consiste au cross-selling et puis à les magasins. Alors, j'ai donné quelques éléments, et finalement, ce qui ressort, c'est que finalement, Cofidis, c'est un producteur dominé dans les années 80 qui n'a d'autre choix que de développer un produit lui-même dominé, on pourrait dire, ce crédit revolving. Bon, il y a quand même un dernier élément que j'aborde et puis après on discute. Elle concerne, bien sûr, le dernier élément qu'on doit aborder, c'est l'écho rencontré par cette offre dans la demande. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire et je pense vraiment, je ne fais que des hypothèses parce qu'en fait, étant donné que je me suis intéressée à l'offre, je ne peux pas me permettre non plus de le dire beaucoup par la demande et il faudrait une vraie enquête pour approfondir. Mais en fait, en m'appuyant sur Paul Duguay, qui s'est intéressé au succès du libre service, il me semble en fait qu'on pourrait faire une comparaison qui me paraît judicieuse entre le succès du libre service et le succès de ce mode très impersonnel d'accès à l'argent qu'a promu Cofidis et d'autres après lui. Tout comme en fait les ménages ont été attirés par le libre service, non seulement à cause de prix, mais aussi parce qu'en fait c'est un dispositif impersonnel d'accès aux biens qui permet d'éviter d'entrer dans des relations sociales où on peut être stigmatisé. Et bien je pense que le succès d'une offre aussi impersonnelle que le crédit revolving par téléphone proposé par Cofidis dans les années 90 pourrait sûrement, il faudrait creuser, être analysé de la même façon, puisque c'est la façon la plus désencastrée d'accéder à l'argent.